Tu as dit, je crois que c'est une écriture de Galate, ceux qui servent pour leur corps, charnel, oui. Moissonneront la corruption. Ceux qui servent pour l'esprit, la vie éternelle. Comment fait-on pour l'esprit? Bonne question. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 que j'ai vu, que j'ai lu ici, il dit, ayant donc de telles promesses, achevons donc notre sanctification par la crainte du Seigneur, en faisant quoi? En sanctifiant notre chair et notre esprit de toute œuvre de la terre. La Bible déclare qu'on sème pour l'esprit en obéissant à la vérité. Il y en a plein là-dedans. Et je vais lire particulièrement une chose dans le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Le verset 1 est suivant, dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc il y a les dons spirituels, les choses de l'esprit qui nous attendent en tant que membres du corps, pour qu'on puisse manifester la gloire de Dieu sur la terre. Mais les gens qui sont chrétiens, vous voyez, on a tellement détourné l'écriture maintenant au point où on croit que les chrétiens sont censés plutôt bien s'habiller sur la terre, avec des grosses voitures, des grosses maisons, pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu dans leur vie. La gloire de Dieu n'est pas faite avec la grandeur de la maison. La gloire de Dieu n'est pas faite à la quantité de voitures, ni la quantité de comptes fournis. Parce que si la gloire de Dieu était comme ça, c'est que le premier pauvre lui-même, c'était Jésus. Il passait son temps à commander les bateaux pour entrer. Peut-être qu'il peut marcher sur les eaux, pas vrai. Il dit, s'il vous plaît, entrez dans votre temps, on va de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Alors la Bible déclare que c'était affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ces deux choses sur la terre se trouvent le problème de chair, en haut se trouve le problème de l'esprit. Il dit, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire avec lui. Dans cette Galates chapitre 6, que j'ai cité, verset 7 et suivant, avant de dire cela, il a dit au chapitre 5, verset 16 et 12, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont contraires l'un et l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Donc en réalité, l'être humain est enchaîné. Tu es condamné soit à obéir à la chair ou à obéir à l'esprit. Et pour que tu puisses obéir à l'esprit, il faut que tu sois soumis au baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Romains 8 nous explique. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il dit, pour nous vivons selon l'esprit, et non selon la chair, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais c'est par l'esprit qu'on fait donc mourir les choses de la chair. Donc c'est ainsi par les Écritures. Donc, quelqu'un qui va s'affectionner, comme on a vu dans ces Galates chapitre 6, où il dit, celui qui sème pour l'esprit. Donc tu passeras le temps, si tu veux, c'est pour l'esprit, je dis, passer le temps dans la recherche des choses d'ordre spirituel. C'est même pour la chair, on dit, mais est-ce qu'il faut acheter le champ, après le champ, il faut acheter le bâtiment, il faut que, vous voyez là, non. Il faut construire un truc, le duplex, sinon, il faut que demain je casse encore, je continue. Voilà ce qu'on a fait. Tu vois, tu passes 20 ans, tu as cherché Dieu deux fois, on lui donne seulement le dimanche. Et au dimanche, on lui demande qu'il a intérêt à vite se manifester, parce qu'on a des choses à faire. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pas comme ça. Les personnes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ sont les prisonniers. Prisonniers de la volonté de Dieu. On se comprend là? Les personnes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça qu'on les appelle les esclaves. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 22 dit, le verset 22 de 1 Corinthiens chapitre 7 dit que celui qui est appelé est un enfant du Seigneur devient esclave du Seigneur. Alors, ça veut dire, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis maintenant pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. La question c'est, comment le faire? Il faut poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On doit faire seulement les choses de Dieu, pas faire les choses pour nous plaire. Amen. Amen. J'attends les questions. Sentez-vous libre de poser toutes les questions. Moi, je voudrais savoir ce que c'est la communion. Depuis que nous sommes baptisés comme ça, comme ça, le cellule de prière. Comment faire pour prendre l'honneur? Ah, d'accord, Ça. Non, ne corrige pas ce qu'elle a dit. Laisse-la poser la question à sa place, d'accord? Ne corrige pas ce qu'elle a dit. Tu peux répondre à la question de moi? Pour savoir si toi tu connais la question que tu as posée, il t'est pris de la reposer. En fait, elle est bien la scène. Non! Je vais juste merci, maman. Tu as vu, non? En fait, elle parlait pour être gros biscuit des catholiques. Et puis, tu vas te dire, laisse la poser à tes parents. Donc, pour répondre à la question, avec quoi, le biscuit-là et la sauce, c'est différent. Ça n'a rien à voir, c'est l'un est la sorcellerie, l'autre est la vérité. Ah? Ah oui. Donc, vous avez mangé là-bas. Et communion, c'est deux choses différentes. Si donc, je veux savoir sur les deux. Mais t'inquiète pas, je suis là pour la chose. Si la reste, vous devez manger ça une seule fois dans votre vie, sachez que vous devez baptiser avec le diable. Moi, je n'ai jamais mangé. Dieu merci pour toi. Donc, tu as échappé à l'autre là. Je ne participe pas à la Sainte-Seine. Ok. Tu as mangé plus que moi. Non, non, c'est pas différent. Ce sont les églises sœurs. Non, elle est juste catholique. La même que je suis, c'est bien. Je sens des sœurs. Chacun dit cela. Je sens des sœurs. Discute. Bon, je vais avancer d'abord sur ce qu'elle a dit. Communion apparaît 9 fois dans le Nouveau Testament. Et je veux qu'on les en lit les 9 fois, puis on va voir ce qu'il en est par rapport aux communions. Lorsque je vais finir de lire, je vais te poser la question, et je vais vous poser la question si ça a à voir avec ce qu'on vous a dit qu'on appelle communion. La première mention du mot communion se trouve dans Actes chapitre 2, verset 42. La Bible déclare dans Actes chapitre 2, verset 42, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quatre piliers du mouvement de l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quatre piliers. Dans 1 Corinthiens 4, ça apparaît 4 fois. Je vais lire les 4 fois. Pour qu'on enfin, je vais finir pour nous dire si tu as entendu le son des catholiques là-dedans. D'accord? C'est-à-dire que c'est la connotation catholique des communions. Dieu, verset 9 de 1 Corinthiens 1. Premier épître de Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 16 du chapitre 10 de 1 Corinthiens 12. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous mangeons, que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? D'accord? L'autre volet, c'est au verset 18. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Enfin, le verset 20 dit, je dis que c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Je vais entendre Philippiens au chapitre 3, verset 10. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à la lui dans sa mort pour parvenir. Puis dans 1 Jean chapitre 3, dans 1 Jean, ça apparaît 3 fois. La première fois que ça apparaît, c'est dans 1 Jean chapitre 1. J'espère qu'il ne va pas venir, n'est-ce pas? Dans 1 Jean chapitre 1, verset 3 dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. On vous annonce ça, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Notre communion, c'est avec le Père et le Fils, Jésus-Christ. Verset 6 du chapitre 1 de 1 Jean. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus qui son Fils nous purifie de tout péché. Tu vois qu'il n'y a nulle part fait état de fait qu'on prend une communion, une fois. On doit être en communion. La communion veut dire entrer en relation. Ça n'a rien, il n'y a pas un instrument, on dit tu manges de ta communion, tu manges de nous. Communion, on dit. C'est comme ça qu'on a été la communion. Excuse-moi, dans la Bible, il y a un passage qui dit « Faites ce qui est au de moi ». Ce n'est pas la communion juste là. Je voulais dire, je vais d'abord expliquer la terminologie communion. C'est qu'on dit qu'on va à la messe ou la communion. Ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. D'accord? Parce que la Bible déclare qu'il persévère dans la communion fraternelle. Au rassemblement chrétien, nous sommes là en communion. Nous communions autour de la parole. Vous voyez? On a de partager autour de la parole. Il n'y a rien que Jésus a noté qu'on appelle la communion en termes de manger. D'accord? Là, il a dit, ce que nous avons entendu dès le commencement, nous vous l'annonçons pour la fin que nous soyons en communion ensemble. Parce que ce que vous avez pris comme enseignement, nous prenons le même enseignement pour participer au même destin. D'accord ? Maintenant, touchant dans 1 Corinthiens au chapitre 11, là, on a vu au chapitre 10, il a parlé que ceux qui mangent le sang, la coupe dont nous vivons, nous, en vivant la coupe, nous sommes en communion, en relation, nous entrons en relation. Puis il prend l'exemple des Israélites selon la chair. Il a dit, voyez les Israélites selon la chair. Il dit, les victimes qu'on mange, parce que dans l'Ancien Testament, on a porté par exemple le taureau, on voici l'autel, c'est-à-dire là on va déposer pour offrir le sacrifice. Lorsqu'on quitte avec le mouton, on dit le mouton, un mouton. Lorsqu'on le met sur l'autel, ça peut sacrifier, ces moutons entrent directement avec l'esprit qui est derrière l'autel. Mais c'est-à-dire que si c'est le Dieu de la Bible qui est invoqué sur cette table-ci, à l'instant, on a mis quelque chose maintenant, ça le concerne. Tout ce qui sort de là maintenant le concerne. On se comprend cela. Alors, ça veut dire que si vous allez dans un hôtel satanique, c'est pour ça qu'il a dit ce qu'on a dit, on s'appelle pour les démons, parce que Dieu n'est plus derrière les hôtels. Et si Dieu n'est plus derrière les hôtels, on vous dit offrez quelque chose, vous allez vous apporter le poulet d'amour, faites comme ça. Et puis on vous partagez parce que vous êtes en communion avec l'esprit désormais qui est derrière cela. Il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et il dit, ce que je viens de dire, c'est qu'on s'accroche, on s'accroche à les démons et non à Dieu. C'est ce qu'il a bien enseigné. D'accord ? Maintenant, il dit donc, en buvant la coupe, qui est la coupe dont on fera pendant la fin, il dit, vous êtes en communion avec le Seigneur, parce que justement, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. En faisant comme ça, on entre en communion avec lui, parce qu'on est avec lui, on a de l'envie à sa communion. Chaque fois que vous vivez d'après la parole de Dieu, vous êtes en communion avec Dieu. Parce que la Bible nous a dit là, dans 1 Jean chapitre 1, là, que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Vous voyez ? Mais si nous marchons dans la vérité, nous sommes mutuellement en communion avec lui, et nous sommes sortis jusqu'à nous purifier de tout péché. C'est ce qu'on a vu dans 1 Jean chapitre 1, verset 7. Voilà ce qu'on a dit de communion. Donc la communion n'a rien à voir avec les. Maintenant, avant de dire ce que c'est que la fin, puis pour répondre à ta question, parce que ta question c'est comment on va faire maintenant pour communier. On a fait communier aux gens. Jésus a dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu. Il arrive. Mais le fait que nos yeux sont des problèmes, on a déjà vu, on doit s'asseoir quelque part, on entend les musiques, on dit bien les méchanter, tu coules la sueur. Le fait que ça a duré, on a comme l'impression que c'est le modèle. La Bible déclare dans chapitre 2, verset 42, que j'ai vu, que j'ai lu le Seigneur, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, il dit que faire lorsque vous assemblez, que chacun de vous, quelqu'un a tiré une quantité, quelqu'un a fait, il n'y a pas de groupe de courant, que je suis spécialiste du sang dans l'église, et il faut seulement la délivrance. Donc maintenant, j'avance là maintenant, d'accord? Ceci étant dit, l'Église du Seigneur Jésus a ses principes et ses normes. Et c'est la Bible qui fixe les normes, pas les hommes. Tout autre norme que les hommes fixent en dehors de la Bible n'aura pas de sens devant Dieu, il n'aura pas de signification. Quand Dieu a appelé Moïse de faire des tabernacles dans le désert, la Bible déclare, si vous lisez Hébreux chapitre 3, la Bible déclare que Moïse fut expressément averti de faire tout d'après le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Si Dieu a dit, le couvercle sera rouge, il faut que ça soit rouge. N'essaie pas de venir dire que bleu suffirait. Dieu a fait ça et vous dit que rouge. Nous sommes d'accord. Même les fils rétors, les étoffes, les peaux des défunts, des défauts étaient choisis parce que Dieu connaissait la signification. Mais maintenant, vous voyez, chacun fait ça à son assemblée avec son modèle de terre. Et il dit que c'est la maison de Dieu. C'est quand même bizarre, pas mal. Alors maintenant, on va arriver à celui qu'on va toucher. Si vous faites, si vous posez sur notre domaine. Maintenant, lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, là, il y a la prière donc que la Bible appelle de la table, vous partagez entre vous, comme nous sommes les partagés, nous sommes en communion autour de la parole. Mais ce que tu as de demander, il s'agit de ce que le Seigneur a fait dans Matthieu chapitre 26, Luc chapitre 14, je veux quoi, Marc chapitre 14, et qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. On appelle donc ça la commémoration de la mort du Seigneur Jésus-Christ, ou tout simplement, Sainte Sainte. C'est ça nous sommes. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez par sainte sainte? Bon, pas c'est compliqué de se chercher le mot, j'avance. Sainte sainte, le mot sainte vient du latin chen. Donc Saint-Saint dit le repas du soir. Quand est-ce que tu manges? Tu manges ça à quelle heure déjà? Allons bien, c'est évangélique. Le matin. Donc, quand tu te lèves le matin, par exemple, tu te laves, tu portes ton habit, tu te dis que tu vas manger quoi? Dis d'abord avec le langage que tu veux utiliser. Tu vas manger la 7h. Voilà. Par exemple, si tu te lèves le matin pour ça, les 8h, tu as pas ta carte 5h, dans la veille, on allait signer, payer 500 francs CFA. Maintenant, ce jour, tu portes ta vie. Tu te dis. Et là, tu es sur le jardin, ça rentre, ne pas prêcher cette semaine-là. Parler de religion. Alors, quand tu te lèves le matin, tu vas prendre la 7h. Maintenant, je veux que tu dises, je vais te dire une chose. Saint-Saint veut dire le repas du soir. Donc, quand tu te lèves le matin, tu peux manger le repas du matin. Non. La Saint-Saint veut dire le repas du soir. Quand toi, tu vas le matin, tu peux manger le repas le matin. Tu peux manger le repas du soir. Je vais vous poser la question. Vous vous moquez de Dieu, mais vous moquez de vous-même. C'est un repas qui se passe uniquement le soir. C'est la première base qui est bonne. Il n'est nulle part fait état d'état qui se passe en journée. Parce qu'il y a une heure pour cela. C'est réglé dans la Bible. Tu as compris? Donc, c'est pas seulement toi qui es dans le poste, c'est les pasteurs qui sont, ils sont embrouillés par eux. Il n'est nulle part fait mention. Quand je voulais parler du déjeuner, il devait parler du déjeuner. Il a dit Saint-Saint le repas du soir. D'accord? Avançons. Donc, on a. Saint-Saint le repas du soir qui peut se prendre même hors de l'église. Où est l'église alors? L'église, c'est le corps du Christ. C'est-à-dire quoi? Oh, le corps de Christ, ou bien le synonyme. C'est-à-dire, ou bien, qu'est-ce que ça fait le corps de Christ? Ah, ça. C'est fort, n'est-ce pas? En fait, vous voyez que quand on touche telle chose a été enchambulée. Telle chose a été enchambulée, il faut les arranger tout, n'est-ce pas? Le problème que tu poses là maintenant, le problème que tu poses comme des lieux de culte comme étant l'église. N'est-ce pas? Oui. On va avancer doucement. Permettez seulement qu'on y avance. Alors, on a touché le fait qu'on doit aller le matin pour prendre le repas du soir. Maintenant, j'ai dit, Saint-Saint lui dit quoi? Le repas du soir. C'est quoi un repas? Allons-y. Le synonyme du repas, c'est quoi? La nourriture. Comment ça se passe? Le matin, quand tu partais, tu mangeais le repas. Que Saint-Saint me dit, repas du soir. C'est pas ça. Mais la Bible dit clairement que après le souper, Jésus prie du peuple. C'est pas ce qui est écrit. C'est ce repas-là qu'on commémore. Pendant ce repas, on rompt le pain en signe de souvenir. Vous avez déjà fait ça? Que maintenant. La Bible est claire. Soit communion avec Dieu, soit communion avec l'Église. Si tu n'as pas mangé comme Dieu a dit, tu as mangé chez. Vous voyez là, l'église est toujours ça. Vous voyez, il y a des gens à la prison, ils font cela, ils mettent les tables là, les soeurs sont en blanc, noir, ces jours-là, on court ça, après un nappe. On a coupé les petits morceaux de pain comme ça, là, mais les petits gobelets pas, pas vrai? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous savez, la Bible dit, que, après avoir soupé, Jésus prit la coupe. C'est bien dit la coupe au singulier. N'est-ce pas, mon cher? Si c'était un nombre de combien autour de la table? C'était 13. Ils sont d'accord. Tous les 13, ils ont bu dans combien de coupes? Et vous, vous buvez dans combien de coupes? Alors, vous coupez. La Bible déclare que la coupe que nous vivons tous. La Bible est là, nous tout à l'heure. La coupe que nous vivons, c'est la commune au sang. Donc, vous dites, si je prends une coupe, je vais faire ça, je donne à mon frère qui boit, selon moi, nous commions tout autour de cette coupe. Et de la même façon, comme nous avons fait une parole, nous commions autour de la parole. Puis il dit, le pain. Il dit, le pain que nous rompons. Vous avez vu cela, hein? Ne soyez pas déconcentré, c'est vous qui posez des questions, moi je pose mal la réponse. Si ça arrive au niveau, si tout le monde sait ça, c'est ça, c'est dit, frère, je arrête. Alors, on dit, le pain que nous rompons. On n'a pas dit les peurs que nous rompons. On ne rompt pas les peurs, les petits miens, les peurs, on vient prier dessus. Il n'y a plus pas fait dans la prière. D'autres passages encore plus graves disent révélation du mystère de la Sainte-Sainte. La Sainte-Sainte n'a pas de mystère. Il n'y a aucun mystère, il n'y a aucun mystère là-bas. D'autres disent qu'il y a des guérisons et des guérisons qui sont faites par la Sainte-Sainte. C'est le mensonge, c'est la sorcellerie catholique qui les a confiés. D'accord? La Bible déclare le peur. On a ça aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 10. il ne veut que nous romper. Donc quand je rompe le frère, je rompe. Je donne mon frère, il rompe. Il passe d'autres rompes. Parce que lui, il claque que je lui ai rendu grâce. Là, on ne peut plus l'être donné. Quand je fais rompre, il parle à son frère. Il dit que cette peur-là n'existe pas la communion au corps de Christ. Parce qu'il y avait un seul peur, parce que Christ est un. C'est pas le volontaire. Donc chacun a une partie de Christ. Une partie de Christ. Et si ça finit, alors tout Christ qui est un est reparti en chacun. Pour dire, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Alors quand vous couvrez le petit biscuit, je vais toucher le biscuit chez les évangélistes et les catholiques, puis je vais revenir chez les catholiques. Bon, pour le catholique est à part, c'est la sorcellerie. Ceci, c'est la sorcellerie modèle arrangée à la manière chrétienne un peu. Donc pour eux, c'est plus proche un peu de la Bible. Le catholique, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ils font la messe. Et la messe, c'est le satanisme. D'accord ? Voilà maintenant. Lorsqu'on coupe les petits morceaux là, lequel parmi tout ça est le corps de Christ ? Où sont les corps de Christ ? Vous voyez ce qu'on est, n'est-ce pas ? Donc, il y a un enseignement là-bas. La Sainte Seine d'après la Bible. Comment ça doit se passer ? D'accord ? Mais d'autres personnes prennent de la grenadine. Parce que c'est rouge comme ça. Hein? D'autres personnes prennent un style de vin rouge. D'autres personnes prennent. Je connais dans le modèle de la Sainte Seine. Non, dans le sens où. Il arrivait que nous sommes peut-être au nombre de 200 frères qui se 200 oui. Frères comme ça. Oui. Comment la représentation de plein nombre de. Vous faites un gigantesque qui est proportionnel à 200 personnes. Vous faites un gigantesque sans le vin qui est proportionnel à 200 personnes. D'accord, frère C'est ça, c'est le problème qui est posé dans les dénominations. Dans les dénominations, puisqu'il veut avoir beaucoup de membres, il veut le voir qui est 400 personnes, 300 personnes. C'est pour ça que le fait qu'ils ont quitté le modèle du Christ, tout va être chamboulé. Mais comme vous êtes dans la maison, les deux pauvres sont venus sans. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens que lorsque vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres, donc ils se connaissent. Ils savent qu'on va se prendre le repas du Seigneur tel jour. On s'attend les uns les autres. Parce qu'il dit, chacun se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, alors que d'autres a faim. Méprisez-vous la table du Seigneur, c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Donc il y avait le repas des émissaires, il prenait le repas du Seigneur. Il dit, car j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le dernier jour, le soir où je suis livré, pris du beurre. Et après avoir soupé, et après la main a regardé le romper en disant, ceci est mon corps. N'est-ce pas? Voilà. Donc, le nombre de personnes, ce sont les gens qui sont confrontés à ces problèmes. La Bible a toujours eu des problèmes avec ce nombre de personnes. D'accord? Donc, s'ils sont 13, ils prennent un peu, ils rompent, ils les donnent. Ça suppose que si vous êtes femme, vous prenez un peu, vous rompez, les gens mangent. Avec une seule coupe, pas deux. S'il y a deux coupes, vous avez deux Jésus. S'il y a 800 femmes, vous avez 800 Jésus et Jésus-en. Maintenant, touchons le cas des catholiques. Le cas spécifique des catholiques, normalement, on ne doit même pas en parler, c'est faux du tout. Tout est faux seulement. Tout est faux. Vous remarquez que c'est rond. Ils ont les trucs ronds en rondelle. Vous remarquez que ce qu'ils appellent les icônes ont toujours le soleil rond au-dessus. Maintenant, ils ont cela, ils ont une coupe. Et la coupe est en quelle matière? Non. En or. Ils ont versé ça dedans en versant avec le vin là-dedans. Donc tout est mélangé. C'est là pour commencer. Il fait comme ça, tu fais où tout ça se bat comme ça. Il met dedans. Pour l'autre cas, c'est un présent, on mélange la main comme ça. Et tu rentres comme ça. Tu es sûr que tu es senti. C'est ça? Tu es bien dit. Je vais vous montrer ce que la Bible dit de cela. On lit. Je peux lire. Il est Apocalypse chapitre 17. Que Dieu nous pardonne ce moment. Donc vous voyez, les gens sont remplis, leur ventre est gros comme ça, c'est le satanisme, ils ont mangé des prix. Apocalypse chapitre 17. Et vous voyez dans les villages, les gens sont prêts à être tués parce que tu dis que les catholiques sont faux. On dit que non, je connais seulement trois les catholiques protestants et les musulmans. Vous, là, on ne sait pas où vous êtes. C'est normal qu'on ne sait pas où vous êtes parce que la Bible déclare que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent, on ne les maîtrise pas. À partir du verset 1 du chapitre 17 de l'Apocalypse, il dit, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes de vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux, les grandes eaux. Il dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du feu de son impudicité que les habitants de la terre se sont élevés. Et me transportant en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Ça, ça reste ici. Vous comprenez ce qu'on a dit ici? Vous comprenez cela? Non. On dit, non. Cette femme, on a décrit une femme. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Bon, dans la connotation de l'Église, dans le langage prophétique, la femme symbolise l'Église déjà. Alors maintenant, lorsqu'elle est taxée de prostituée, c'est-à-dire que c'est une Église apostate. Puis on donne l'habillement où les gens s'habillent là-bas. On dit qu'elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Donc ce geste trouve donc cette vision. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Vous voyez ça? Donc on donne la personne, l'habillement, ce qu'elle tient en main, et puis on dit maintenant quel Dieu est celle. On dit rempli d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Donc en clair, la Bible nous dit, sous réserve que vous comprenez que c'est dans ces questions. Mais si vous comprenez pas, c'est quand même la vérité, c'est ça. On dit dans sa main, sa sainte c'est la cause du plan. Le Dieu qu'elle fait se trouve dans cette coupe. Dans le Dieu soleil. C'est pour ça que le roi vous donne le rang chaque fois que vous communiez avec Apollon, comme ça s'appelle Apollon. Quand vous prenez comme ça, vous êtes tellement en temps, il y a le violon et les harpes sont des jeux là, vous baissez vos âmes. C'est le patriotisme et on danse. Vous devez en être d'accord. Alors, la Sainte Cène doit être célébrée à la manière de la Bible. Vous êtes là, le moment avec quoi, par exemple, quand je vais rentrer au Cameroun, c'est le 10 avril qu'on va communier, qu'on va faire comme vous êtes dans le dimanche. On va faire la Sainte Cène le 10, la soirée du 10 avril, le 10 avril. On va célébrer. Alors, si vous voulez faire, faites pour vous comme ça, comme la Bible dit. D'accord. Il y a l'enseignement là-dessus, vous allez suivre. Si vous allez suivre l'enseignement, comment vous faites la Sainte Cène, vous allez. Non, je vais mettre ça. J'ai déjà enseignements qui sont populaires pour ceux qui vont vouloir. Okay. J'avais donné une procédure. Pour la Sainte Cène, oui. Nous devons commencer le repas à quelle heure? À partir des 18 ans montant. D'accord. Je vais nous faire comme les apôtres où chacun va venir avec sa part de nourriture. C'est exactement comme ça. Une de nous, une de. Bon, lorsque vous êtes assemblés, n'est-ce pas? Je vais dire, permettez-moi de dire ici dans un correcteur, chapitre 11. C'est le modèle, on voit comment les apôtres se comportaient. Je vais lire le verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc c'était pour en Corinthe. Je crois que si l'apôtre se réveille, il va écrire 3 Corinthes. Le troisième épître de Corinthe, j'ai déjà écrit dans le deuxième épître, vous exagérez. Vous avez encore l'air à dérive. Et c'est ce qu'il dirait, c'est faux. Verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Et lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Donc on comprend que déjà à côté de leur propre repas. Et l'un après l'autre. C'est pas obligatoire. C'est pour ça qu'on parle d'un café. C'est un repas de communion fraternelle. Si tu as la possibilité d'apporter du riz, tu as la possibilité d'apporter du couscous, l'autre tu le plantes, vous ramenez, vous déposez là-bas. Donc ce que ceci faisait, c'est que lorsque celle-ci a apporté son plantain, l'autre a apporté son poisson, ça sèche sur la table, il ne sait pas comment le laisser passer. Quand il a apporté son table, il gagne l'autre comme ça. Comment manger. L'autre vient d'avoir apporté, il reste comme ça. Voilà comment c'est fait. L'apôtre Paul vient corriger cela, le Saint-Esprit vient corriger cela. Il dit, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un appelle tandis que l'autre est libre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ou mépriser pour l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous livrerai point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce de rompre, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, le souper c'est quoi? Il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe indignement sera coupable du corps et du sang de Jésus. Vous voyez, donc il faut faire à la manière de Dieu. chacun peut apporter son propre repas, comme vous décidez, si vous voulez, ou de façon collégiale, mais la Bible montre que chacun apporte des repas. Mm-hmm. Vous apportez, vous déposez la main. Mm-hmm. Et en même temps, maintenant, vous avez le pain sans les mains et votre jus de raisin, le fruit de la vigne. Et vous le faites. Que Dieu vous bénisse. Mm-hmm.